L'enfantement. Véritable évangile de Jésus appelé Christ, nouveau prophète mandaté de Dieu pour le monde, selon la description de son apôtre Barnabé. Je souhaite à tous ceux qui vivent sur terre, paix et consolation de Barnabé, apôtre de Jésus le Nazirien appelé Christ. Chers bien-aimés, dans les derniers jours, notre grand merveilleux Dieu nous a rendu visite par son Messie Jésus, un prophète avec un précepte de compassion et de grands miracles. Ils sont nombreux ceux que Satan a trompés, prêchant sous couvert de la piété un faux précepte, qui place Jésus comme un Dieu, qui rejette la circoncision établie par un ordre perpétuel de Dieu, et qui prescrit des aliments impurs. Je vous écris la vérité sur ce que j'ai vu et entendu aux côtés de Jésus, afin de vous dégager de Satan, qui veut vous tromper pour vous perdre au tribunal de Dieu. Prenez garde à tous ceux qui prêchent un nouveau précepte, qui contredit ce que je vous écris, pour votre salut éternel. Que notre grand Dieu soit avec vous et vous protège de Satan et de tout mal. Amen. Ces dernières années, l'ange de Dieu Gabriel rendit visite à une pucelle nommée Marie, du linéage de David, de la tribu de Juda. Cette pucelle sans faute, ni blâme, vivait entièrement dans la sainteté, constamment en prière avec des jeûnes. Étant seule de jour dans sa chambre, l'ange Gabriel vint la saluer. « Dieu est avec toi Marie. » La pucelle prit peur à l'apparition de l'ange, mais l'ange la réconforta. « N'aie crainte Marie, Dieu t'accorde sa faveur en te choisissant comme mère d'un prophète envoyé au peuple d'Israël, pour faire appliquer ses lois avec vérité et cœur. Mettrai-je un enfant au monde sans connaître aucun homme ?» dit la pucelle. « Rien n'est impossible à Dieu qui fit l'homme sans homme. Il peut former en toi l'homme sans homme. Que la volonté du Dieu Tout-Puissant se fasse, répondit Marie. En toi sera engendré un prophète que tu nommeras Jésus. Tu l'abstiendras de boissons fortes, de vin, et d'aliments impurs, car l'enfant est un saint de Dieu, dit l'ange. Que ta parole se fasse. Je suis la servante de Dieu, dit Marie humblement. Quand l'ange partit, la pucelle glorifia Dieu. Ô mon âme, reconnais la grandeur de Dieu. Ô mon esprit, sois exalté en mon Dieu sauveur. Car il a vu l'abaissement de sa servante et il m'a relevé, car il est puissant. Psaume 138. Je serai appelée bienheureuse de toutes les nations. Béni est son saint nom. Sa compassion s'étend sur ceux qui le craignent d'une génération à l'autre. Le puissant a étendu sa main et dispersé l'orgueilleux dans l'imagination de son cœur. Il a rabaissé le pouvoir de leur siège, et il a exalté les humbles. Il a renvoyé le riche à vide, et celui qui avait faim a été rempli de bonnes choses. Il garda toujours en mémoire les promesses faites à Abraham et son fils. Connaissant la volonté de Dieu, Marie eut peur que la population s'offense de sa grossesse, le délit de fornication étant passible de lapidation. Elle choisit un compagnon de même lignage nommé Joseph, un homme menant une vie irréprochable, un juste craignant et servant Dieu, faisant des prières avec jeûne, et vivant du travail de ses mains comme charpentier. La pucelle le choisit pour compagnon et lui révéla le décret de Dieu. Mais lorsqu'il s'aperçut qu'elle était enceinte d'un enfant, le juste Joseph voulut éloigner Marie, par crainte de Dieu. L'ange le réprimanda dans son sommeil. « Joseph, pourquoi vouloir éloigner ta femme Marie ? Celui qui est en elle s'est fait conformément à la volonté de Dieu. Sache que la pucelle donnera naissance à un fils, à qui tu donneras le nom de Jésus. » Tu l'abstiendras de boissons fortes, de vin, et d'aliments impurs, car il est un saint de Dieu dès le sein de sa mère et prophète de Dieu envoyé au peuple d'Israël, pour convertir le cœur de Judas, afin qu'Israël applique la loi du Seigneur écrite dans le livre de Mosché. Il vient avec grande puissance, que Dieu lui a donnée pour accomplir de grands miracles, et beaucoup seront sauvés. À son réveil, Joseph rendit grâce à Dieu et servit Dieu avec une intégrité sincère. Il demeura auprès de Marie toute sa vie. En ce temps-là, Hérode était roi de Juda et Pilate le gouverneur, dans le sacerdoce de Caïphe et d'Anna. Par un édit d'Auguste César, tout le monde devait se faire recenser. Chacun devait se présenter dans son lieu de naissance, pour se faire recenser dans sa tribu. Étant du linéage de David, Joseph quitta Nazareth de Galilée avec Marie enceinte, pour se faire recenser à Bethléem suivant l'édit de César. Arrivé dans la petite ville de Bethléem, la foule d'étrangers était nombreuse et il n'y avait plus de place à l'auberge. Joseph trouva refuge dans un abri de berger à l'extérieur de la ville, alors que les jours de grossesse étaient arrivés à terme. Une intense lumière enveloppa Marie la pucelle, qui donna naissance à son fils, sans douleur. Elle le prit dans ses bras, l'enveloppa de l'ange et le déposa dans une mangeoire. Une grande foule d'anges qui bénissaient Dieu avec allégresse vint dans l'abri annoncer la paix à ceux qui craignent Dieu. Joseph et Marie glorifièrent le Seigneur de la naissance de Jésus et s'occupèrent de lui en grande joie. Au même instant, tandis que les bergers surveillaient leurs troupeaux, selon leur habitude, voici qu'une lumière intense les entoura et un ange qui bénissait Dieu leur apparut. Les bergers furent dans la crainte, en raison de la soudaine lumière survenue avec l'ange qui leur dit « Voici, je vous annonce avec allégresse la naissance d'un enfant dans la ville de David, un prophète du Seigneur qui apportera le salut à la maison d'Israël. » L'enfant se trouve dans une mangeoire avec sa mère qui glorifie Dieu. Puis une grande foule d'anges qui bénissaient Dieu vinrent annoncer la paix à ceux qui étaient de bonne volonté. Une fois les anges partis, les bergers se dirent entre eux « Allons nous-mêmes à Bethléem entendre la parole que l'ange de Dieu a annoncée. » De nombreux bergers partirent vers Bethléem à la recherche du nouveau-né et trouvèrent en dehors de la ville un nouveau-né couché dans une mangeoire exactement comme l'ange l'avait dit. Ils lui firent soumission et remirent à la mère ce qu'ils avaient, en déclarant ce qu'ils avaient vu et entendu. Marie et Joseph rendirent grâce à Dieu et gardèrent cela secrètement dans leur cœur. Les bergers retournèrent à leurs troupeaux et partagèrent le prodige qu'ils avaient vu. La crainte de Dieu s'étendit sur les zones montagneuses de Juda et les hommes eurent cette pensée à cœur. Que deviendra cet enfant ? Au huitième jour, tel que prescrit dans la loi du Seigneur au livre de Mosché, ils prirent l'enfant et l'amenèrent faire circoncire au temple. Ils le firent circoncire et lui donnèrent le nom de Jésus comme l'ange du Seigneur avait dit avant d'être conçu dans la matrice. Marie et Joseph eurent la crainte de Dieu après avoir entendu que l'enfant allait être le salut et la ruine de beaucoup. Et ils élevèrent l'enfant dans la crainte de Dieu. Lorsque Jésus naquit durant le règne d'Hérode sur Juda, une étoile d'intense lumière apparut à trois mages qui observaient les étoiles dans le ciel d'Orient. Après s'être consultés entre eux, ils suivirent le trajet de l'étoile qui les guida jusqu'en Juda. Arrivés à Jérusalem, quand ils demandèrent où le roi des Juifs était né, Hérode fut alarmé d'entendre cela, ce qui inquiéta toute la ville. Hérode convoqua les sacrificateurs et les scribes pour savoir où devait naître le Messie. Et ils lui répondirent : À Bethléem, comme le prophète Michaël a écrit. Toi Bethléem Ephrata, tu n'es pas la moindre parmi les princes de Juda, car de toi sortira pour moi un conducteur pour Israël dont les avancées sont comme les anciens des anciens jours. Hérode convoqua les mages pour les questionner sur le but de leur visite. Ils répondirent avoir vu une étoile d'Orient qui les avait guidés jusqu'ici et souhaitaient offrir des présents en hommage à ce nouveau roi annoncé par son étoile. Hérode leur dit avec ruse : Allez à Bethléem rechercher l'enfant avec grand soin. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer que je vienne aussi adorer. Les mages quittèrent Jérusalem, et voici que l'étoile d'Orient réapparut et avançait devant eux. Les mages furent joyeux en revoyant l'étoile. Arrivés à Bethléem, hors de la ville, ils virent que l'étoile s'était arrêtée au-dessus du refuge où naquit Jésus. Les mages s'y dirigèrent et entrèrent dans le refuge où l'enfant et sa mère se trouvaient. Les mages s'inclinèrent en signe de soumission et lui offrirent de l'argent, de l'or et des épices. Et ils dirent tout ce qu'ils avaient vu à la pucelle. Durant leur sommeil, l'enfant les prévint de ne pas retourner vers Hérode. Ils prirent donc une autre route pour retourner chez eux et partager ce qu'ils avaient vu en Juda. Hérode se sentit ridiculisé par les mages qui n'étaient pas revenus à lui et décida de faire mourir le roi nouveau-né. Voici que l'ange du Seigneur apparut à Joseph dans son sommeil et dit : Lève-toi. Prends vite l'enfant et sa mère, et partez en Égypte car Hérode veut le tuer. Joseph se leva vite prendre l'enfant et Marie, et partit en Égypte, où il y demeura jusqu'à la mort d'Hérode. Se sentant ridiculisé par les mages, Hérode envoya ses soldats tuer tous les nouveau-nés à Bethléem. Et les soldats tuèrent tous les enfants, comme Hérode l'avait ordonné. Ainsi s'accomplirent les paroles du prophète Jérémie. Que de grands sanglots et des gémissements dans Rama. Rachel pleure ses fils et rien ne peut la consoler car ils ne sont plus. À la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph. Reviens dans Juda, car ceux qui voulaient la mort de l'enfant sont morts. Joseph prit la mère et son enfant, qui venait d'avoir 7 ans, et revint dans Juda. Mais sachant qu'Archélo, le fils d'Hérode, régnait sur Juda, il partit en Galilée dans la crainte d'habiter dans Juda, et ils habitèrent à Nazareth, où l'enfant grandit en sagesse et grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus venait d'avoir 12 ans, quand il monta à Jérusalem avec Joseph et Marie pour y révérer conformément à la loi du Seigneur écrite au livre de Mosché. Une fois leur prière accomplie, ils repartirent séparément en pensant que Jésus allait revenir à la maison avec leur parenté. Marie et Joseph revinrent à Jérusalem pour rechercher Jésus chez leurs parents et voisins, et le 3e jour ils retrouvèrent l'enfant dans le temple en train de discuter au sujet de la loi, au milieu des docteurs de loi, tandis que tous s'étonnaient de ses questions et réponses. Comment peut-il si jeune avoir un tel savoir en lui sans avoir appris à lire? Que nous as-tu fait, fils? Dit Marie. Voici 3 jours que ton père et moi te cherchons avec peine. Ne savez-vous pas que le service de Dieu passe avant père et mère? Répondit Jésus. Jésus revint à Nazareth avec Joseph et sa mère, et leur resta soumis dans le respect et l'humilité.